Chapitre 15. Comme il l'avait promis, le docteur Watteau avait porté à la villa des Trapèzes une sonde œsophagique pour nourrir artificiellement Julien de Mulset. C'est un appareil que l'on introduit dans la bouche du patient et à l'aide duquel on fait pénétrer dans l'estomac des liquides réconfortants. L'estomac fonctionne avec plus ou moins d'activité tant que l'être humain est vivant. La nourriture est naturellement dosée de manière à ce que le malade soit soutenu sans être fatigué. Le docteur avait jugé utile d'envoyer à Ville-d'Avray le valet de chambre de Julien, serviteur dévoué et qui pouvait être d'une grande utilité. Joseph, méridional aussi, s'entendit tout de suite avec Miette. Comme si Julien eût reçu le contre-coup de l'émotion patriotique qui s'empara du pays, il fit son premier mouvement le 15 juillet, le jour de la déclaration de guerre. Mélanie était dans la chambre, travaillant près de la fenêtre. Elle entendit un petit craquement dans les boiseries du lit. Elle accourut. Le malade avait remué. Sa tête se trouvait légèrement inclinée à droite. Si peu que fût sensible ce mouvement, c'était le prodrome du retour à la vie. La jeune fille éprouva une émotion qu'il eût été bien difficile de définir. Joie ou douleur, espérance ou remords, peut-être de tout cela mêlé dans un saisissement de stupeur. Ce mouvement, à peine perceptible, s'était produit l'après-midi. Le docteur venait tous les matins. Mélanie attendit sa visite avec une impatience qui la tint éveillée toute la nuit. 20 fois elle se leva, croyant avoir entendu un craquement révélateur. Vainement. Le matin seulement, pendant que brisée de fatigue elle s'était assoupie, Julien eut un nouveau tressaillement. Quand Miette le lui apprit, Mélanie se reprocha comme une faute d'avoir un instant succombé au sommeil. Elle poussait jusqu'à l'exagération l'accomplissement de ses devoirs de garde-malade. Le docteur employa toute son éloquence à la prémunir contre les excès de zèle. « Bien que la blessure soit à peu près entièrement cicatrisée, dit-il, vous avez pour 8 ou 10 jours au moins de ces tentatives, pour ainsi dire automatiques, de ces efforts inconscients. Que vous vouliez être présente au moment où le malade ouvrira les yeux, je le comprends. Bien que le patient doive les fermer tout aussitôt sans avoir vu et à plus forte raison reconnu, c'est une satisfaction dont je ne veux pas vous priver. » Mais que vous surveilliez chaque mouvement, cela ne servirait absolument rien qu'à user vos forces. Il faut vous réserver pour la période de la convalescence réelle. Mélanie promit d'être plus calme. Elle fit ce qu'elle put pour tenir sa promesse, mais sa fébrile impatience était plus forte que sa volonté. La nuit, elle se réveillait à tout instant. Le jour, elle ne quittait la chambre que pour ses exercices gymnastiques, auxquels elle se livrait avec d'autant plus d'ardeur qu'elle se sentait envahie davantage par ce qu'elle croyait être le sentiment du devoir. Le docteur, qui l'observait de près et qui l'étudiait avec une sympathique attention, lut clairement dans ce cœur que la haine était impuissante à satisfaire, dans cette âme prédisposée aux sentiments affectueux. Que l'amour lui vint, cela n'était pas douteux pour lui et il l'attendait sans appréhension, au contraire. Mais que l'amour fût une souffrance, c'est ce qu'il ne voulait pas. Aussi chercha-t-il des diversions. Il prit l'habitude de rester à déjeuner à la villa. Le soir, il y retournait, ramenant Bon Enfant, qui s'était franchement réconcilié avec Mélanie et qui rapportait les nouvelles de l'exaltation de Paris. C'eût été un merveilleux journaliste. C'était le plus émouvant des conteurs. Il était partout, il voyait tout. Plus que personne, il avait les enivrements de la colère patriotique, les effervescences de la gloire promise. Plus que personne, il criait à Berlin. Plus que personne, il acclamait les régiments qui partaient. Plus que personne, il avait la frénésie de la victoire en entendant chanter la Marseillaise, cette eau triomphale que les désastres ont à jamais découronnée. À vrai dire, Paris a eu 15 jours de folie. Pendant ce temps, les Allemands avançaient en masse formidable, prêts à fondre sur la malheureuse France. Toutes les pulsations de ce Paris frémissant, l'exalté provençal les apportait chaque soir à Ville-d'Avray. Arnold Barthes, qui s'y rendait souvent aussi, essayait discrètement de calmer cet enthousiasme. Sans trahir les secrets de la diplomatie, il insinuait que la France jouait une grosse partie, que la Prusse était militairement une redoutable puissance, que la guerre a des surprises. Il eût été plus facile de faire remonter vers sa source un torrent grossi par la fonte des neiges que de mettre de sages réflexions dans les cerveaux en ébullition. Il n'était pas jusqu'au docteur qui n'eût des emportements belliqueux. Quel malheur, disait-il, montrant Julien de Mulset étendu sur son lit, et qui n'était pas encore parvenu à ouvrir les yeux. Quel malheur que ce pauvre garçon n'assiste pas à cette mémorable entrée en campagne. Mais ramené au calme par son devoir professionnel, il recommandait, l'instant d'après, de ne point faire de bruit dans la chambre du malade, de ne pas l'exposer à une violente secousse. La nature, dans son œuvre de l'entre-constitution, commence par où il lui plaît. Nous approchons du moment où Julien sortira de sa torpeur léthargique, mais quelle partie du corps sera la première dégagée, je n'en sais rien. Peut-être entendra-t-il avant de s'agiter et de voir. Conclusion. Les hôtes de Mélanie se réunissaient au jardin ou au salon et ne faisaient que passer dans la chambre. Pendant la nuit qui précéda le réveil de l'organisme, Julien avait poussé un gémissement plaintif. Mélanie était accourue. Par deux fois encore, le malade avait gémi. La jeune fille, penchée sur le lit, retenant sa respiration, l'observait. Ce ne fut que longtemps après qu'il fut retombé dans son engourdissement qu'elle se retira. Le matin, à la première heure, elle était à son poste. Il lui semblait que si elle ne recevait pas le premier regard de Julien, ce serait pour elle comme un déni d'espérance. Elle avait besoin, pensait-elle, de se faire pardonner. Le meilleur moyen n'était-il pas que, revenant à la vie, sa victime eût conscience de sa sollicitude? Si elle eût pu analyser ses émotions avec sang-froid, elle eût certainement trouvé au fond de son cœur un sentiment plus tendre. Elle se fut rendue compte du travail latent qui s'était opéré en elle. Chaque mouvement de Julien l'attachait davantage. Elle devenait presque jalouse des soins que d'autres lui donnaient. Enfin, le patient ouvrit les yeux. Mais si douce et si faible que fut la lumière dans la chambre, il ne put la supporter. Ses paupières se refermèrent aussitôt. Mélanie attendit, suivant avec une émotion à la fois charmeresse et douloureuse, les péripéties de ce suprême combat de la vie renaissante contre la mort. Au titillement des cils, il était manifeste que Julien, ayant eu la perception du jour, faisait effort pour s'en rendre maître. Par deux fois, il rouvrit les yeux pour les fermer immédiatement. Ce ne fut qu'à la troisième tentative qu'il put les tenir ouverts pendant quelques secondes. En même temps, son bras gauche fit un mouvement qui détourna sa main du côté de Mélanie. La jeune fille crut qu'elle était reconnue et saluée sympathiquement. Elle prit cette main dans les siennes et dit d'une voix tremblante « Merci. Vous êtes bon et généreux. J'ai été bien coupable, mais j'avais tant souffert. Vous avez eu pitié de moi, et j'ai voulu vous tuer. Vous vivrez, vous me pardonnerez. » Et si bas qu'à peine s'entendit-elle elle-même, « Et peut-être vous m'aimerez. » La pauvre enfant parlait pour elle seule, mais elle avait le cœur si plein d'espérance et de bonheur qu'elle éprouvait une joie indicible à se répandre en protestations de repentir, en promesses de dévouement. Elle appela Miette. Elle appela Joseph et leur annonça la grande nouvelle. Au coup de cloche du docteur, elle courut à lui. « Il m'a vu, il m'a reconnu, il m'a tendu la main, » dit-elle toute joyeuse. Le docteur sourit. « Allons, allons, » pensait-il. « Le cœur est pris, voyons la tête. » Et s'adressant à Mélanie, « Ma chère enfant, croyez-vous au miracle ?» La jeune fille avait l'esprit très fin et très délié. Point n'était besoin de contredire formellement ses idées. Elle comprenait au premier mot. Elle fixa ses grands yeux, plus beaux et plus brillants que jamais, sur les yeux du docteur. « Vous doutez de ce que je vous dis ? Vous n'en réparez la faute involontaire qu'il avait commise en ne l'avertissant pas d'une manière précise du phénomène tout matériel de l'organe de la vue. Le docteur prit les deux mains de Mélanie et d'une voix caressante. « Vous m'avez promis de ne pas vous abandonner à l'exaltation, d'avoir confiance en moi, votre ami, votre guide. Si ce que vous dites était vrai, un miracle se serait accompli. Or, les miracles, ma chère enfant, je n'y crois guère que dans l'imagination de ceux qui les désirent ou qui ont intérêt à les faire naître. Oh, vous avez beau essayer sur moi les séductions de vos beaux yeux. Les médecins n'ont pas de cœur, et c'est très heureux, sans quoi leurs clients leur feraient croire. Que ne leur feraient-ils pas croire ? Oui, je sais bien, c'est cruel, je suis un monstre. Mais dans 8 jours, quand notre malade aura repris son intelligence peu à peu, comme il a repris sa vie matérielle, par degrés, vous me remercierez de ne pas avoir flatté vos illusions, car je vous aurais empêché de vous impatienter, de vous morfondre. Mélanie était adorablement jolie en ce moment. Sa mobile physionomie reflétait la lutte que se livrait dans son âme le doute, le regret, la confiance en soi, le respect de la science. L'éclat de ses yeux s'était voilé d'une sorte de brume irisée. Elle ne se rendit pas sans résistance. Pourtant, il m'a tendu la main. Dans un mouvement de son bras, sa main s'est retournée de votre côté. Méchant docteur! Elle fut bien obligée de s'avouer vaincue. Le patient ouvrait et fermait les yeux automatiquement, inconscient de la lumière, capable de voir, incapable de regarder et de comprendre. Par prudence, le docteur recommanda de nouveau et plus expressément de ne rien dire dans la chambre, qui fut de nature à impressionner le malade. Peut-être, entendait-il, un homme qui s'était endormi en pleine prospérité recevrait un ébranlement dans tout son être si, brusquement, il apprenait les événements qui se déroulaient. Précaution judicieuse, car deux jours plus tard, la situation se transformait. La vigoureuse offensive de la Prusse, les premières défaites de l'armée française à Forbach, à Berthe et à Fröschwiller, furent, au commencement du mois d'août, le signal d'un découragement d'autant plus profond que l'exaltation avait été moins raisonnée.